Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous dire. On parlera Formule 1, bien évidemment, avec notamment tout l'imbroglio autour du moteur Mercedes et des fameux taux de compression. Donc on va tout vous expliquer parce que c'est une semaine qui peut s'annoncer charnière en amont des essais de Bahreïn qui s'ouvrent ce mercredi. On parlera également dans la question hebdo de Cadillac qui a présenté lors du Super Bowl sa livrée pour la saison 2026 de Formule 1. On parlera justement de où en est l'équipe et qu'est-ce qu'on a en droit d'en attendre. On aura Enzo Deini aussi qui change d'équipe en Formule 3. Alors c'est assez fort parce qu'il change d'équipe avant le début de la saison. Mais vous comprendrez tout à l'heure et on le retrouvera justement notre pilote français. On parlera MotoGP également parce que le marché des transferts s'agite un petit peu. Et puis les résultats du week-end comme d'habitude. À mes côtés, Mathieu Chambenois, Cyprien Juillard. Comment ça va, messieurs? Eh bien, écoute, ça va. C'est un programme dense malgré un week-end qui a été, lui, beaucoup moins dense. On peut le dire. Voilà, exactement. Bon, ça va très bien aussi. Et puis, hâte de parler de tout ça. Beaucoup de sujets avant ce début de saison, que ce soit en F1, en MotoGP ou en F3. Exactement. On part d'ailleurs directement du côté de la Formule 1. La commission F1 se réunit donc cette semaine en amont des essais de Bahreïn, puisqu'on a donc trois journées d'essais de pré-saison qui vont débuter sur le circuit de Sakhir. Ils vont donc débattre dans cette commission F1 des moteurs Mercedes, notamment, puisque on sait qu'avec ces nouvelles unités de puissance qui sont en fait évoluer par rapport à celle que nous avions jusqu'en 2025, il y a ces histoires de taux de compression qui poseraient quelques problèmes aux autres motoristes. Cyprien, d'abord, je me tourne vers toi, parce que déjà, qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'un taux de compression, qu'est-ce qui est reproché potentiellement à Mercedes? Alors, ce qu'on reproche à Mercedes, c'est d'avoir dépassé ce fameux taux de compression des cylindres du moteur, qui en fait permet d'avoir plus d'air qui rentre et qui, du coup, donne plus de performance aussi au moteur. C'est un rapport, en fait, le taux de compression sur 1. Le taux précédent autorisé dans la génération de moteurs précédente était de 18 sur 1. Maintenant, c'est passé à 16 sur 1. Et donc, vous ne pouvez pas dépasser 16. Vous ne pouvez pas avoir une compression supérieure à ça. Et en l'occurrence, c'est un taux qui est contrôlé à froid sur les monoplaces, puisque la FIA ne peut pas contrôler ça forcément à chaud, ou en tout cas avait décidé de ne pas le faire. Et Mercedes aurait trouvé une solution qui permet, pendant que la voiture roule, d'augmenter artificiellement ce taux de compression pour donner plus de performance à la voiture. On parle d'un gain estimé entre 15 à 20 chevaux, qui leur donne globalement 3 dixièmes supplémentaires au tour, ce qui fait 17 secondes environ, si on donne des chiffres, sur l'ensemble d'un Grand Prix. Donc forcément, c'est un avantage de taille. 17 secondes, c'est beaucoup. Et même 3 dixièmes sur un tour, ou 15 à 20 chevaux sur une ligne droite, c'est énorme. C'est un dépassement. C'est gigantesque, oui. Et alors, ce qu'il faut notifier, effectivement, c'est qu'ils profitent de ça par rapport à la chaleur. On va pas rentrer dans un cours de mécanique des fluides ou autre, mais néanmoins, voilà, c'est cette chaleur dans le moteur qui permet d'avoir une compression supérieure. Je précise quand même que dans le règlement, parce que je suis allé par curiosité un petit peu le lire et le consulter, à aucun moment c'est précisé que ça doit être à froid. C'est écrit que c'est 16. Voilà. Oui, il n'y a pas d'autres précisions par rapport à ça, d'où le fait que les autres motoristes justement ne sont pas contents, parce qu'eux ont respecté cette règle et Mercedes a finalement profité d'une zone grise en disant ok, on est peut-être illégaux mais vous ne pourrez jamais le savoir parce qu'en termes de mesure c'est pas possible. Oui, non, en fait c'est pas écrit que c'est à froid parce qu'en fait c'est juste le seul moment où la FIA peut faire ses contrôles. Exactement. Évidemment, sur un moteur froid vous pouvez regarder le taux de compression, sur un moteur qui roule c'est pas du tout la même histoire. Donc en l'occurrence, Mercedes s'est dit si on passe sous le radar pendant les contrôles et qu'après, en effet, à chaud, le taux de compression augmente, ça ne posera pas de problème puisque personne ne pourra s'en apercevoir. Alors maintenant, la Formule 1, c'est toujours pareil. On se demande comment les autres écuries ont réussi à le savoir. Il y a évidemment des fuites. Il y a des transfuges de Mercedes qui sont allés un peu partout ces derniers mois aussi. Exemple. Et puis, on sait que ça communique beaucoup entre les équipes. Les ingénieurs, etc., se croisent toute l'année, peuvent être amis avec quelqu'un de chez Red Bull ou de chez Ferrari. Et ils peuvent lâcher une petite info comme ça. On se souvient du Spygate, par exemple, entre Ferrari et McLaren. Donc, en effet, il y a ce vrai sujet qui a été posé sur la table déjà il y a quelques semaines, au mois de janvier. Ça rejoint un peu les rumeurs qu'on entend depuis plus d'un an, selon lesquelles Mercedes aura un moteur absolument dominant, absolument meilleur que les autres. Certainement, en grande partie, lié à ça. Et du coup, pour refaire un peu l'historique, au début, les équipes se sont plaints. Red Bull était plutôt dans le même camp que Mercedes et était possiblement aussi... En tout cas, ils n'avaient pas pris position. Et donc, on se demandait s'ils n'avaient pas trouvé la même astuce. Exactement. Avec leur Red Bull Powertrain Sport, c'est ça. Exactement. Et en l'occurrence, ce qui a beaucoup changé ces derniers jours, c'est que Red Bull s'est mis du côté des plaignants. Donc finalement, Mercedes se retrouve seul contre les autres. Et donc là, forcément, ça change un peu la face des choses. Oui, parce qu'on rappelle, souvent en commission F1, on agit à l'unanimité. Mais là, comme c'est un problème qui touche directement à la compétition et aux personnes engagées, on se doute bien que Mercedes ne va pas voter contre. Je me permets de mettre du conditionnel, mais voilà, il y aurait cette éventualité que s'il se trouve être 4 contre 1, parmi les 5 motoristes, eh bien, peut-être que la FIA déciderait en tout cas de changer les règles. En tout cas, c'est effectivement ce qui sera l'objet de cette commission, savoir si effectivement on touche au règlement. Est-ce que sans toucher au règlement, on dit à Mercedes, bah non, effectivement c'est illégal, on s'est rendu compte que, et donc on change, ou est-ce que statu quo on change rien, et auquel cas effectivement potentiellement on a 4 autres motoristes qui sont quelque part lésés par la performance. Voilà, parce que rappelons qu'il y a une spécialité quand même aussi dans la Formule 1 de ces dernières années, finalement de ces 75 dernières années pourrait-on presque dire, ce serait de dire c'est illégal, mais on vous laisse la saison 2026 parce que c'est compliqué de remettre tout ça en place, et par contre 2027 faudra changer. Ça peut aussi arriver, hein, ce genre de choses. Ça peut arriver, on l'a vu l'an dernier avec les ailerons par exemple. En fin 2024, on avait eu l'affaire du mini DRS sur les ailerons arrière de McLaren, donc assez rapidement, avant même la fin de saison, il avait été décidé qu'on allait rigidifier les ailerons arrière, qu'on allait interdire ce genre de système. Et puis il y a eu le cas des ailerons avant qui lui a été décidé beaucoup plus tard, du coup. Je crois que c'était en début d'année dernière. Du coup, ils avaient décidé de changer leur mesure de la rigidité des ailerons avant, mais seulement à Barcelone, début juin. Et en fait, là, on se retrouve un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire que la Formule 1, par essence, c'est une discipline dans laquelle les équipes jouent avec le règlement, essaient de trouver les zones grises. Et c'est comme ça que les équipes gagnent, d'ailleurs. Sauf que là, du coup, on ne peut pas dire à Mercedes, vous avez trouvé une zone grise qui, du coup, n'est pas interdite par le règlement, puisque dans tous les cas, on ne peut pas, selon nos mesures, vérifier que votre taux de compression à chaud est en effet illégal. Du coup, bon, on vous l'interdit. Par contre, en effet, vu que là, votre moteur, vous l'avez développé comme ça, etc., on ne peut pas vous l'interdire tout de suite, parce que là, c'est pareil, c'est complètement... ça désavantagerait Mercedes qui a trouvé une zone grise, les autres sont pas contents, et vous pouvez pas leur interdire comme ça, vous redéveloppez pas un moteur en un mois. L'enjeu il est complètement binaire. S'ils disent ok, on peut pas développer un moteur en un mois, donc on vous laisse comme ça et on verra ça en 27, ils savent très bien qu'ils avantagent énormément Mercedes, ou du moins tous les clients de Mercedes, qui représentent quand même au total 4 écuries hein, sur la grille, ce qui est pas rien. Mais en même temps, s'ils disent à Mercedes, bah, effectivement, c'est illégal, donc on change, ils savent également qu'ils mettent le coup de massue à Mercedes et qu'ils avantagent de fait tous les autres. Donc en fait, ça pose un problème qui est majeur, parce que le problème là, qui fait l'actualité, c'est qu'avec cette décision-là, avec cet arbitrage-là, quelque part, ils décident à 50%, je pense, de l'issue de la saison qui arrive. Et effectivement, étant donné qu'on va avoir un changement de réglementation, un virage technique, prendre une décision aussi lourde de sens maintenant, ça détermine aussi beaucoup de ce qui va se passer dans l'avenir. Puis ça pose une vraie question d'équité, parce qu'encore une fois, c'est est-ce que vous sanctionnez Mercedes pour avoir fait quelque chose qui est un peu border, mais qui n'est pas vraiment non plus illégal, puisque encore une fois, au sens strict de la règle, si, mais au sens de la mesure, c'est impossible. Bah c'est voilà, c'est ça qui est compliqué. Oui, après, ce qu'il faudrait savoir du côté de la FIA, c'est est-ce qu'ils décident de mesurer à froid parce que ça leur convient et c'est comme ça qu'ils veulent faire, ou est-ce qu'ils n'ont techniquement pas les moyens de mesurer à chaud? Parce que c'est aussi ça qui joue et qui rentre en compte. On avait pas mal de problèmes. C'est la problématique de base, de toute façon, des ailerons flexibles. C'est très gentil de prendre un aileron avant et d'y attacher 2 fois 80 kg de chaque côté, mais quand vous avez 3 tonnes d'appui sur l'aileron avant en course, les forces sont forcément différentes. Et là, tu ne peux pas le juger. Donc là, c'est pareil. Si la FIA, et je pense que c'est aussi là que ça va se jouer certainement, si la FIA a un moyen aujourd'hui factuellement de contrôler à chaud, ils peuvent très bien dire, bah voilà, maintenant on contrôle à chaud, débrouillez-vous. S'ils n'ont pas de moyens, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont devoir admettre que, bah, écoutez, bravo Mercedes, vous nous avez eu, mais on peut pas faire mieux que ce qu'on a là. Et dans ce cas-là, les autres vont devoir développer leur moteur pour atteindre aussi cet objectif-là. Oui, et puis ça rappelle un peu ce qui s'était passé avec Ferrari en 2019, on en parlait avant l'émission entre nous, Ferrari qui avait un moteur qui était illégal, et il y avait eu un accord passé avec la FIA pour justement qu'ils changent leur moteur, mais on les avait plutôt quand même laissé faire pendant un temps. Ouais. Et on avait bien vu que quand ils avaient dû se remettre dans le rang, la monoplace, elle marchait pas de la même manière. Quand même. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais là en plus, là, au moins, ce qui est bien, c'est que tout est public déjà, parce que on rappelle que Ferrari, c'était quand même un accord secret. On s'est douté de quelque chose en voyant la rapidité des Ferrari en ligne droite. On s'est dit, c'est quand même bizarre. Et fin d'année, on dit non, mais rassurez-vous, il y avait un accord. Voilà. Ça n'est pas illégal, mais ça n'est pas légal. D'accord, ben on avance là-dessus, au moins, c'est bien. Donc là, on verra ce que la commission F1 va statuer. On rappelle que le début de la saison de Formule 1, c'est dans un mois. Donc il va falloir aussi, bien sûr, s'y mettre. Et un moteur, ça ne se développe pas comme ça, voilà, encore une fois. C'est assez rapide. Et ouais, parce que le problème, c'est qu'effectivement, ils peuvent certainement se mettre dans les clous en bridant leur moteur, mais les 15 chevaux gagnés vont peut-être en perdre 25 parce qu'en bridant le truc ils vont changer la manière dont le moteur fonctionne globalement. Ce sera pas optimisé, c'est sûr. Voilà, ce sera pas aussi. Et à noter que le principal problème pour les écuries justement là en ce moment, c'est la synergie entre le moteur et la monoplace, hein. Ils ont du mal à trouver de la performance au moment où ils mettent le moteur dans la voiture, ce qui est quand même un peu problématique parce que c'est le concept, mais notamment McLaren qui avait un petit peu de problème par rapport à ça. Donc s'ils venaient à changer, ce serait une catastrophe pour tous les clients. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que les motoristes fournissent des moteurs, mais eux, les écuries d'usine, on va dire, qui ont leur propre moteur, comme Mercedes, comme Ferrari, savent comment l'imbriquer dans leur monoplace. Bien sûr. Alors qu'ils fournissent à McLaren juste le moteur. Ils ne donnent pas la notice aux autres. Voilà, ils donnent la notice aux autres. Donc, ils sont obligés de donner le même moteur, ce qui est déjà une avancée par rapport à 2014, mais ils ne sont pas obligés de dire comment ça fonctionne. Voilà. Par exemple, le McLaren, c'est un problème d'alimentation en carburant qui avait empêché Piastri de rouler à Barcelone. Donc ça, c'est des choses qui sont plus dépendantes des équipes clientes, finalement, que du constructeur. Mais en effet, juste pour terminer sur le sujet, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est que Mercedes, c'est quand même 4 écuries clientes. Et pas des petites. Bah, y a Mercedes aussi. Enfin, 3 écuries clientes plus Mercedes. Du coup, il y a Mercedes, il y a quand même McLaren, les champions en titre. Il y a Alpine qui a de plutôt grandes ambitions pour cette année. Et Williams qui, pareil, vise le top 5. Mm. Là, si on handicape 4 équipes plutôt de premier rang, de première partie de tableau, ou qui en tout cas ont l'ambition d'y être, ça après, va faire dans mal. Dans le sens, tu prends la décision autrement et tu handicapes Ferrari, tu handicapes Aston Martin qui vient avec des ambitions, tu handicapes. Enfin, tu vois, c'est. Audi qui arrive. Voilà, il y aura toujours en fait des gens qui seront lésés, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, à voir comment ça va être fait. Vous retrouverez d'ailleurs, j'en profite pour faire notre petit instant promo, mais tu vous retrouverez notamment ces problématiques-là et beaucoup d'autres dans notre guide Formule 1 qui sort non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Pourquoi non pas cette semaine? Eh bien, écoutez. C'est nos 50 ans quand même, c'est important. Il faut. Bon anniversaire, Michael. Mais merci, j'espère que je ne les fais pas, hein, évidemment. Mais ce sont les 50 ans d'Auto Hebdo qu'on fête évidemment en grande pompe. Vous pourrez trouver dès ce lundi à 20h eh bien, le magazine qui retrace eh bien, 50 ans d'histoire avec beaucoup de grands témoins qui sont venus effectivement évoquer leur rapport à Auto Hebdo. Et vous le retrouvez mercredi en kiosque. Voilà, c'est le petit instant Auto Promo, mais c'est normal aussi parce que 50 ans, c'est pas tous les jours qu'on les fête et on va fêter ça avec vous tout au long de l'année. Et on va fêter ça avec un beau covoiturage de Jackie X quand même. C'est quand même pas rien, je pense. On s'est placé pas mal en termes de symbolique de l'événement. Oui, en tout cas, moi je trouve que on est bien. On s'est plutôt bien mis, mais voilà, ça ce sera donc à retrouver dès 20h en version numérique et mercredi en kiosque. On va rester en Formule 1, mais on va passer maintenant eh bien, à la question hebdo. Alors la question hebdo, bon, elle est un petit peu taquine peut-être comme ça de prime abord. Les Cadillacs entreront-elles donc dans les points avant la mi-saison? Ça, au moins ça nous permet de vous demander oui ou non. Au moins c'est, voilà, c'est assez clair, mais on va étayer évidemment cette question-là parce que donc Cadillac a présenté en grande pompe sa livrée pour la saison 2026 via un spot de publicité diffusé dans le quatrième quart-temps du Super Bowl, donc vraiment au Money Time, donc là où il y avait plus de 110 millions de téléspectateurs devant leur télé aux États-Unis. Et en plus, leur voiture a été exposée à Times Square tout simplement à New York puisqu'elle était dans un box en fait avec des vitres qui étaient sombres, on va dire, qui étaient en tout cas qui ne laissaient pas passer la lumière, et soudainement paf, 22h30 heure française, on a pu voir la livrée noire et blanche ou noire et chromée. On attend encore de voir exactement quels sont les petits détails, mais donc voilà, c'est le vrai coup d'envoi pour cette équipe, Cyprien, une équipe qui arrive en Formule 1. Finalement, on parle de cette équipe qui est en fait Andretti à la base, évidemment. On en parle depuis des années, mais tout s'est fait finalement très vite. Oui, tout s'est fait très vite. Alors en effet, c'est un projet qui a 3 ans maintenant. Mm-hmm. C'était en janvier 2023 que Cadillac et Andretti, enfin le groupe General Motors, a annoncé sa volonté d'arriver en Formule 1 via Andretti, qui aurait du coup géré l'exploitation des monoplaces. Ça a été une première tentative qui a été rapidement retoquée par les autres équipes, on va dire. Donc en mai 2024, rapidement, un an et demi plus tard quasiment, retoqué par les autres équipes, retoqué par la Formule 1, qui estimait que Andretti n'apporterait pas de valeur au championnat en tant que constructeur. Donc il y avait aussi vraiment un cas très personnel lié à la figure de Michael Andretti à l'époque, qui ne convenait pas aux autres équipes, qui arrivait un peu avec ses gros sabots d'américain dans un paddock très européen. Et je crois qu'il y avait vraiment un décalage culturel qui fait que les autres équipes n'étaient pas forcément prêtes à accueillir Michael Andretti. Et du coup, bon, bah, General Motors aurait pu s'arrêter là et dire bon bah écoutez, vous voulez pas de nous, on s'en va. Il avait été aussi question au moment de racheter une autre équipe. Finalement, ils ont annoncé eux-mêmes qu'ils allaient venir en Formule 1 en tant que constructeur sans Andretti. Mmh. Ça a été annoncé en novembre 2024, confirmé au mois de mai 2025 officiellement, cette fois après l'aval des 10 autres équipes de la grille, puisqu'il faut rappeler que les équipes doivent donner leur accord. Pourquoi? Parce que quand vous avez un gâteau à vous partager, s'il y a 11 parts plutôt que 10, vous touchez moins d'argent. Tout ce qui est droits télé, revenus commerciaux de la Formule 1, etc. Donc les équipes ont accepté. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment que General Motors, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, va apporter de la valeur, va apporter de la compétitivité aussi à la Formule 1. Et va faire grossir le gâteau. Et va faire grossir le gâteau, évidemment. Puisque 11 parts d'un plus gros gâteau, c'est mieux que 10 parts d'un plus petit. Exactement. Et c'est un peu le but. Et le but, c'est toujours, on le sait, la Formule 1 vise vraiment de se développer aux États-Unis. On a 3 grands prix, on a désormais 2 constructeurs, dont un qui est General Motors, c'est un des plus gros groupes mondiaux. Donc, en effet, là, c'est top pour la Formule 1. Et, mais, sauf que, du coup, ça a été un peu en last minute, on va dire, pour Cadillac, qui a eu moins d'un an, globalement, un an, plus ou moins, pour bien se préparer pour 2026. À la différence d'Audi, qu'on a déjà évoqué, Cadillac, il faut bien se dire que c'est une équipe qui part de zéro, qui a dû recruter des centaines de personnes, qui a dû monter une usine, qui a dû apprendre à faire une monoplace, avec évidemment des gens qui l'avaient déjà fait, mais voilà, sur une nouvelle réglementation qui est aussi challengeante pour les équipes. Le seul point de départ qu'ils ont, c'est le moteur, au final, qui les aide un petit peu au départ. Mais par contre, effectivement, tout le reste autour, il n'y avait rien. Voilà, sachant qu'ils préparent quand même leur propre moteur pour 2028, hein, si je oui, pas c'est bêtise, ça. Donc, à terme, ils veulent leur propre moteur. Mais en l'occurrence, pour le moment, ils ont ce moteur Ferrari, mais après, on revient sur ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que Ferrari leur livre le moteur, mais après, il faut construire tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Et la première étape pour Cadillac, ça a donc été de faire ce recrutement, de recruter aussi des pilotes de simulateurs, des pilotes qui pouvaient commencer à développer la monoplace. Donc, on a eu Pietro Fittipaldi, qui a fait 2 grands prix avec Haas en 2020, quand il a remplacé Romain Grosjean après son accident. On a Simon Pagenaud, notamment, aussi, qui est là. Eastwood, également. Charlie Eastwood, voilà, qui est un habitué du GT. Donc, des pilotes qui sont venus aider. Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont été recrutés au mois d'août, le 26 août. Pérez a tout de suite pu venir aider l'équipe. Bottas, le problème, c'est qu'il était bloqué contractuellement par Mercedes. Ouais. Donc, Bottas n'a pas pu participer du tout au développement de la monoplace. Enfin, du tout. On se doute qu'il a bien dû avoir... 2-3 petites choses, il a dû recevoir 2-3 petits fichiers sur son ordinateur, mais il ne pouvait pas aller faire du simulateur, aller à l'usine, etc., jusqu'à la fin de son contrat avec Mercedes. Donc Pérez a beaucoup œuvré. Il y a eu une première simulation de Grand Prix, de week-end de Grand Prix, sur simulateur, qui a été réalisée pendant le Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire que les équipes de Cadillac se sont basées sur les horaires du Grand Prix du Brésil en temps réel, et ils faisaient comme s'ils étaient avec les 10 autres équipes, donc quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est-à-dire 3 séances d'essai, les qualifs, la course. Et ils ont roulé pour la première fois, du coup, au mois de novembre en Italie. Premier roulage, un TPC avec une ancienne Ferrari, Ferrari qui leur a prêté la SF23, la monoplace de 2023, et ils ont pu donc prendre leur première marque sur le fonctionnement, vraiment sur le terrain. J'imagine qu'on a dû travailler les pit stops, les choses comme ça, avec Sergio Pérez au volant d'une ancienne Ferrari. Et enfin, voilà, ce mois de janvier, premier roulage le 16 janvier de la nouvelle Cadillac, le Shakedown à Silverstone, et Cadillac qui était présente aux essais de Barcelone ensuite, ce qui fait déjà d'elle une meilleure élève que Williams, par exemple. C'est le problème, oui, même Aston Martin qui n'a fait qu'une journée et demie. Voilà, encore, parce que... Une journée et quart. Eux, ça a été la 3e équipe qui a le moins roulé. Ils ont fait 164 tours, c'est l'équivalent de 763 km, mais il faut bien se dire que réaliser ça, arriver déjà à faire autant de tours en un peu plus d'un an, c'est déjà un exploit colossal quand on voit justement les difficultés d'Aston Martin, les difficultés de Williams et globalement les difficultés de fiabilité qu'ont touché d'autres équipes. On pense à Audi aussi. Donc voilà, pour conclure ce petit point d'étape sur Cadillac, ils arrivent avec une préparation qui a été limitée, qui a été efficace pour le moment, et maintenant on a hâte de voir ce que ça va donner. Et puis les enjeux de Cadillac ne seront pas les mêmes que ceux d'Audi. Audi vient pour gagner, parce que par définition ils ont cette identité dans le sport automobile. Cadillac ne va pas forcément avoir les mêmes ambitions, en tout cas pas tout de suite. Déjà le simple fait d'être en Formule 1 pour Cadillac, d'avoir cette marque américaine présente sur les paddocks, c'est déjà une fin en soi et une réussite en soi. Maintenant évidemment s'ils performent c'est encore mieux, s'ils gagnent c'est encore mieux pour eux, mais je pense que Cadillac ne va pas forcément viser l'excellence que vise Audi ou l'excellence que visent certaines équipes qui sont déjà là. Ils le viseront à terme, hein. Ça reste l'objectif. Tout le monde vient en Formule 1 pour gagner, évidemment. Ils auront, à mon avis, ce déclic dès lors qu'ils auront leur propre moteur. C'est là, il y aura un enjeu de performance. Et là, ils l'ont dit, de toute façon, et j'aime bien la manière qu'a eu Cadillac d'aborder leur arrivée en Formule 1. C'est que quand on écoute Graham Loddon, le patron de l'équipe, et quand on écoute même Dan Torris, le PDG de TWG Motorsport qui gère un peu tout ça, ils viennent avec humilité. Ils savent qu'ils seront loin et... autant vous dire que, très honnêtement, chez Cadillac, s'ils sont sur la dernière ligne en Australie, ils vont pas tomber de leur chaise parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit difficile et ils prennent ça comme un défi à devoir affronter. Mais à côté, ils ne viennent quand même pas en prenant ça par-dessus la jambe, parce que quand on voit tout le plan de communication qui a été mis en place justement autour de leur livret, ça montre qu'il y a quand même derrière un constructeur, que c'est sérieux, qu'il y a une véritable envie de bien faire, mais qu'ils ne sont pas venus, je trouve en tout cas, je ne sais pas si vous, vous avez la même philosophie ou que vous pensez la même chose, mais je ne pense pas qu'ils soient venus en montrant ostensiblement on est les meilleurs, voilà comment on va faire, machin, on met plein d'argent. Non, ils sont restés. Ils ont communiqué via ce qui est le meilleur, de toute façon, le Super Bowl aux États-Unis, si tu veux faire connaître ta marque en Amérique, c'est le meilleur truc. Bah, en fait, c'est ça, ils adoptent une communication qui est logique pour une équipe américaine, mais ils ont atténué le côté qu'Andretti a amené au départ de fierté. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je dirais que par rapport à ça, ils adoptent la bonne com par rapport à là où ils en sont. Et effectivement, ils sont discrets en étant très présents malgré tout. C'est assez paradoxal, mais j'aime plutôt bien ce qu'ils proposent. Ils ont eu le bon plan aussi de faire leur pub pour le Super Bowl et de la coupler à une publicité Apple TV, qui est le nouveau diffuseur de la Formule 1 aux États-Unis. Oui, ça permettait de montrer aussi, de faire le rayonnement de la Formule 1 globalement. Puis ils ont en effet une communication qui est plus globale par rapport à ce que tu disais sur Andretti. C'est vrai qu'Andretti, c'était très américano-centré. On sentait que là, c'était vraiment l'équipe américaine, etc. Le cri de l'aigle et la bannière étoilée. Et là, on sent que Cadillac, ils ont envie d'avoir le soutien des États-Unis, mais que leur com est quand même faite de manière à aussi pouvoir toucher plus de monde à travers la planète, ce qui est aujourd'hui quand même, je pense, essentiel en Formule 1, qui est diffusé dans plus de 180 pays, qui fait des audiences records partout dans le monde. Donc oui, c'est bien d'avoir ça. Ils ont aussi, en signant Sergio Pérez, un vrai impact maintenant chez les Latinos, forcément chez les Mexicains, mais on sait que globalement, les Sud-Américains, toute l'Amérique latine est très, très proche de ces pilotes. Finalement, ils font qu'un autour de leurs pilotes. Quand il n'y avait que Pérez, il a été très soutenu, même dans les autres pays d'Amérique latine. Bon, là, il y a aussi Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto. Mais même, voilà, on sent aussi qu'ils vont, toucher ce marché-là. Ça va aussi leur ramener des sponsors. On sait que Sergio Pérez ramène beaucoup de sponsors. Valtteri Bottas, lui, il va moins leur ramener une image... et un marché, mais il va leur ramener aussi beaucoup d'expérience. Donc je trouve que tout a été très bien pensé, très bien timé aussi, tout est très bien fait pour le moment. En effet, comme tu dis, on voit qu'ils arrivent avec de l'humilité, mais quand même une envie de faire parler d'eux, une envie de se mettre en avant et une envie de faire fonctionner leur projet. Ce qui va être intéressant avec Cadillac, c'est de savoir justement la suite. Je ne vais pas trop m'avancer, mais effectivement, là, ils avancent avec beaucoup de prudence, ne serait-ce que le choix des pilotes. Bottas Pérez, on sait qu'ils ne sont pas là pour apporter de la perf tout de suite, même s'ils ont été tous les deux vice-champions dans leur carrière. Ils sont là pour apporter du développement. Moi, je dirais presque que c'est un petit peu les ingénieurs de luxe, en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont là pour développer la voiture plus rapidement. Maintenant, effectivement, là où on va les attendre, c'est au moment où ils vont devoir passer un step. C'est le moment où ils vont devoir, par exemple, changer l'un des deux, voire les deux pilotes. Et c'est au moment où ils vont passer, à mon avis, dans la phase 2 du projet, que là ils seront particulièrement attendus et qu'ils seront plus les petits nouveaux, quoi. Surtout à ce moment-là. Surtout que la phase 2, on la connaît. Pour eux, l'objectif, c'est que Colton Herta performe en F2 cette année et qu'il soit dans la voiture l'an prochain. Oui, on pense à Guanyu Zhou aussi, qui est quand même pilote de réserve, qui apporte énormément d'argent, lui, pour le coup, et qui serait intéressant sur le plan financier, notamment d'être dans la voiture. Donc, bon, Colton Herta, il faut qu'il performe. Il a encore beaucoup, beaucoup de travail. Oui, ça, on en parlera à l'occasion. Qu'il fasse la saison. Formule 2, c'est quand même un autre paire de manches, surtout l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, Cadillac construit son projet, avance ses pions tranquillement. Cette saison, on va pas être très regardant. Maintenant, on verra la suite. Mais en un mot, du coup, messieurs, qu'est-ce qu'on prendra les points avant la mi-saison ? Justement, c'est exactement ça. C'est que cette année, ce qui va être intéressant de voir, c'est la progression. Et tu parlais de la dernière ligne en Australie. Je pense, honnêtement, que ce serait un peu la honte pour une autre équipe de derrière Cadillac sur la grille en Australie. On voit que Williams, c'est compliqué, mais on espère que ça va aller mieux à Bahreïn. Ils auront de la perf, normalement. Oui. Bah, c'est ça. Normalement, ils auront de la perf. Ils auront le moteur Mercedes. Bah, Audi, en fait, la vraie inconnue, ça reste Audi, parce que c'est un nouveau moteur, quand même. C'est une équipe éprouvée, mais il y a quand même un nouveau moteur. Mais tu vois, la différence entre Audi et Cadillac, c'est qu'Audi a un nouveau moteur, mais Audi, ils ont annoncé leur arrivée en août 2022. Oui, je suis Cadillac est arrivé novembre 2024. Il y a deux ans et demi d'écart entre les deux. J'ai envie de me mouiller, je te dirais oui. Ils vont rentrer dans les points avant la mi-saison parce qu'il va y avoir tellement de chaos potentiel et de surprises. Il y aura bien un sous la pluie ou Bottas sous le week-end. C'est ça, voilà. En fait, c'est ça, c'est les pilotes aussi. S'ils venaient avec des pilotes aussi très jeunes, je me serais dit non, là c'est mort, c'est pas possible, ils vont devoir tout apprendre. Là, ils ont quand même deux pilotes qui connaissent la Formule 1. Je me suis renseigné juste avant, 527 Grands Prix cumulés entre les deux. Oui. Quand même pas rien non plus. Donc effectivement, ils vont savoir ce qu'ils feront. À mon avis, ils feront pas d'erreur eux. Et si la voiture n'est pas défaillante non plus, la performance, ils la trouveront factuellement. Beaucoup de performances, on rappelle ça. 527 Grand Prix, ça n'est que la moitié des Grands Prix de Fernando Alonso en Formule 1. Sur les 5 dernières années. Fernando, il est hors catégorie aussi. Non, mais par contre, moi, je vais plutôt répondre non, parce que je pense que cette année, on aura plus d'écart entre les monoplaces que les années précédentes. Ouais. Je veux dire, si vous vous souvenez, justement, après 2014, toutes ces années-là, on avait des petits constructeurs qui étaient très loin quand même du reste. On pense à Marussia, Caterham, etc. Plus récemment, on a eu Haas en 2021, l'année avec Schumacher et Mazepin, où Haas était à des... à des années-lumière du reste de la grille. Alors, ils n'avaient peut-être pas les deux meilleurs pilotes du monde, c'est sûr. Williams, c'est une époque. Quand ils sont arrivés en F1, ils ont fait 6 et 5e sur le deux premiers Grand Prix. Hein, donc, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise, c'est vrai. Mais moi, je dirais plutôt non, parce que je pense que Cadillac part de trop loin et qu'il y aura trop d'écart pour que, même avec des circonstances de course, ils puissent marquer des points. Après, oui, évidemment, la pluie, comme tu dis, il y a bien un Grand Prix où Bottas sera 8e. Je pense que la question de marqueront-ils des points, du coup, peut-être oui, en cas de fait de course. Feront-ils une Q3? Oh, ça fait compliqué. Là, par contre, je suis d'accord. Là, je dis non, je suis plus convaincu de ça, à mon avis. Je suis assez d'accord aussi, effectivement. Ça, on verra en tout cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et sur autohebdo.fr à partir de 20h. Répondez-vous aussi à notre question hebdo, comme tous les lundis. C'est un petit peu le principe d'une question hebdomadaire, finalement. Hein. C'est fort, On a brainstormé. J'ai pas pensé. C'est dans le monde, du coup. Ouais. Tout est lié. Vous remarquerez qu'il y a quand même eu. C'est super cohérent. Voilà. Tout est hebdo chez nous. Il y a quelque chose qui est bien fichu. C'est autohebdo, question hebdo. On est là, voilà. C'est très, très bien. Hebdomadaire tous les lundis à 19h sur YouTube. Et en podcast aussi, hein, si jamais vous voulez nous écouter, vous pouvez également le faire. Mathieu, je me retourne vers toi parce que tu as eu l'occasion de parler à Enzo Deligny, notre pilote français, l'un de nos pilotes français en Formule 3 pour cette saison, qui change d'équipe, alors que la saison ne commence pas encore avant le mois de mars. Je sens que tu veux du contexte, Michael. Certainement, oui. Bon, alors d'abord, la Formule 3 reprend, si on peut dire, cette semaine, en l'occurrence, en parallèle des tests de Bahreïn. Ce sera donc du 11 au 13 février, où ils seront à Barcelone, les pilotes de F3, pour justement commencer un petit peu à tester. Alors, il y en a qui ont déjà testé les voitures en post-saison 2025, mais ça fait déjà un moment. C'était en octobre dernier, donc là, ils vont pouvoir revenir en piste. Ça va permettre d'avoir une première hiérarchie, même si on s'en doute forcément avec Trident et Compose qui seront attendus devant. Ça va surtout permettre aux pilotes qui n'étaient pas là en post-saison de s'habituer un petit peu. Ce sera justement, ils auront 3 jours, et le 4e jour, comme me disait très justement Enzo, et ce sera les qualifications à Melbourne. Donc effectivement, ça va arriver très vite pour eux. Enzo Deligny, donc, pour un petit peu de contexte, effectivement, il avait signé avec Prema en fin d'année 2025 pour une saison complète, donc, de F3. Mais il se trouve que Prema, je pense que je vous apprends rien si je vous dis que le contexte est un petit peu compliqué. On a eu notamment René Rosine qui a quitté le navire de Prema avant le début de la saison. Ainsi que sa compagne. Exactement. Toute la famille Rosine est partie. Elle qui avait fondé l'équipe il y a plus de 40 ans. Qui était là historiquement. On a aussi Guillaume Capietto qui est parti. Donc voilà, des monuments, si je puis dire, de l'équipe qui ont mis fin un petit peu à leur aventure. Oui, financièrement, ça va très mal. Il y a des doutes sur le programme IndyCar. Donc là, Prema, c'est vraiment le flou dans toutes les catégories. Donc on avait vraiment un doute par rapport à ça. Et il se trouve que dans ce contexte, Enzo Deligny a été annoncé non pas chez Prema au final, mais chez VAR, donc chez Van Amersfoort Racing, à la fin de la semaine dernière, donc une équipe néerlandaise qui a notamment accueilli Théophile Nel, dont on a sorti l'interview donc la semaine passée sur la chaîne YouTube. Elle est là. Elle est là. Vous cliquez juste sur le petit, vous avez l'interview de Théophile Nel. Et donc Enzo Deligny, donc effectivement, qui rejoint l'équipe néerlandaise, donc il va avoir des ambitions, alors qui vont changer ou pas. Ça, en l'occurrence, non. Lui, il vise toujours le fait de faire des podiums, des victoires pour une première saison de F3. En revanche, là où ça va être un gros défi pour lui, ça va être de s'adapter rapidement, et notamment s'adapter dès la semaine prochaine, puisqu'il va monter dans la voiture pour la première fois la semaine prochaine. Donc, on va justement l'écouter, Enzo Deligny, sur les enjeux qui arrivent cette semaine, donc à Barcelone. Barcelone, tout le monde a beaucoup roulé, donc ça va pas être nécessairement pour apprendre la piste ou quelque chose comme ça, mais plus pour m'intégrer bien et me sentir bien, ouais. L'année dernière, où il y avait le plus de marge de progression, je dirais, c'est juste sur sécuriser genre des points, parce que l'année dernière, il y a plein de fois, j'aurais pu juste être plus safe et marquer des points au lieu d'essayer de faire le move pour la gagne ou des choses comme ça. Mais c'est un truc dans moi où j'ai l'impression que je suis très agressif, et quand je suis dans la voiture, j'ai envie de gagner. Et après, quand je sors de la voiture, je me dis, putain, c'était chaud, genre, j'aurais pas dû faire ça. Et peut-être cette année, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris déjà, la F3, c'est plus sur le under-pushing side, c'est plus sur le safe side, parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent mal se passer, si tu gères pas le trafic bien, si tu mets pas le tour, parce que tu n'as qu'un tour sur les pneus. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. Mais juste si tu fais toutes les choses plutôt bien, ça va. Tu vas dans le top 12, tu vas marquer des points ce week-end. Donc, peut-être juste être un peu plus calme, bien faire toutes tes procédures. Et ouais. La piste, elle va beaucoup changer. Donc, il faut juste avoir le feeling de la piste et s'adapter durant les tours, durant la session. Et cette année, l'année dernière, j'ai fait ça plein de fois, donc je suis plutôt confiant que je peux bien m'adapter. Comme tu as dit, la piste, elle va être très différente de practice à quali parce que la F2 va rouler, la F1 elle va rouler. Donc, ouais, ça va pas être facile parce que Melbourne, on a que un train de pneus neufs pour le practice et la piste, elle est sale. Et voilà, les pneus, ils sont que un ou deux tours bien et après, c'est mort, quoi. Donc, il faut tout de suite être honnête, tout de suite apprendre la piste. Mais je suis plutôt confiant que je peux faire ça. La qualif l'année dernière, c'était un des très bons points, comme tu as dit. Après, cette année, c'est beaucoup plus. C'est complètement différent parce qu'à l'Africa, on a beaucoup plus de roulage avant les qualifs. Donc, on va voir, mais juste, je suis confiant pour quali pace, même les courses. Les courses, c'est. Il faut plus d'expérience, je pense, pour être plus vite, parce que il faut aussi apprendre exactement les pneus, comment ça dégrade et tout ça. Mais sur les qualifs, c'est un peu plus facile, il faut juste pousser et c'est un peu plus juste le feeling naturel. Donc, je pense la pace en qualif, c'était déjà plutôt bien dans les tests, la pace sur un tour. Et après, sur les courses, on verra, mais c'était aussi pas mal sur les tests. Merci Enzo, merci Mathieu, du coup, pour cette interview d'Enzo Deini. On retrouvera aussi Alessandro Giusti prochainement Alessandro dans Giusti. Les pages d'Auto Hebdo. Et oui, on a un guide F1, donc forcément on va parler un petit peu de F2, un petit peu de F3, il va y avoir des enjeux, on va voir Raphaël Camara aussi dans le guide F1, voilà, je vous le dis. Il nous a parlé. Excusez-moi, on parlait de cohérence il y a quelques instants. Il y a un guide F1, on va parler de F2 et de F3. Il m'a perdu. Écoutez, je ne sais pas vous, mais. Tu me parles de Cadillac, on voit l'avenir. Nous, on essaie de voir l'avenir sur les catégories jeunes. C'est ça. Ça, c'est encore une fois, on rappelle, c'est très important de suivre les catégories de monoplace parce que ça vous permet, en soirée, de briller 5, 6, 7 ans plus tard, de dire mais je l'ai vu en F4, moi, mais évidemment. Mais bon. N'hésitez pas. Je le suis depuis qu'il est grand comme ça. Voilà. Ça permet, encore une fois, de se donner un petit peu de prestance socialement, et donc c'est très très bien. Je ne fais ça que pour ça. Je n'en doute absolument pas, mon cher Mathieu. Le MotoGP, on va en parler tout de suite. Le MotoGP, alors, force est de constater qu'on ne va même pas vous parler de 2026. Donc, vraiment, on est sur une émission qui voit l'avenir, aucun problème. 2027, ça commence déjà maintenant, entre guillemets, puisqu'on a les premières signatures qui ont été annoncées. Pour l'instant, on a trois pilotes qui ont un guidon pour l'année prochaine. Joan Zarco, Diego Moreira, les deux pilotes de Shell CR, ça, il y aura un statu quo, même si Zarco... C'est plutôt un contrat Honda. Donc Moreira aussi, d'ailleurs. Et Moreira aussi, c'est vrai, effectivement. Donc, à voir où ils évolueront. Mais on imagine que le Brésilien devrait rester chez LCR au moins pour une deuxième saison. Même si on n'est pas à l'abri qu'il nous surprenne cette année, le champion du monde Moto2. Marco Bezzecchi s'est marié avec sa moto. il l'avait demandé en mariage à Valence. Et bien voilà, elle a dit oui. Et du coup, il prolonge également l'aventure avec Aprilia. Ce qui fait qu'on a donc trois guidons pour 2027. Alors, tout le reste, par contre, là, maintenant, vous prenez... boule de bowling, voilà, lancer, et puis tous les autres sont les quilles, hein, globalement. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller vraiment dans tous les sens. Alors là, du coup, j'ai lu dans ma boule de cristal l'avenir, je vais te l'annoncer. Fabio Quartararo va chez Honda. En tout cas, c'est les rumeurs... C'est les rumeurs du paddock, voilà, en tout c'est cas, les rumeurs c'est sûr. Qui parce que là, on va... C'est boule de cristal qui parle au conditionnel, on va dire. Mais voilà, c'est boule de cristal qui dit non, mais peut-être que... Voilà. Fabio Quartararo pourrait aller chez Honda. Pourrait voilà. Potentiellement aller chez Honda. Non, c'est les rumeurs qu'on entend beaucoup ces dernières semaines. Alors là, en effet, ça part dans tous les sens, parce que les pilotes veulent être fixés rapidement. Alex Marquez, Bagnaia, par exemple, ont dit qu'ils aimeraient être fixés sur leur avenir avant le début de la saison. Sauf que... C'est en trois semaines. Voilà, exactement. Déjà, premier problème, c'est dans trois semaines. Deuxième problème, pour une équipe, engager un pilote avant le début de la saison, c'est aussi prendre un risque. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment le pilote va performer. Et puis aussi, c'est Jorge Lorenzo qui rappelait qu'un pilote, on ne se souvient que de ses 3-4 dernières courses. Et en l'occurrence, quelque chose que partage Bagnaia. Et quand on pense à Bagnaia, qui, lui, ne sait pas de quoi son avenir sera fait... Il faudrait mieux pas se souvenir des 3-4 dernières courses de Pecco Bagnaia, honnêtement, ni de la dernière saison de Pecco Bagnaia. C'est-à-dire qu'il a quand même écorné son image, et dans son intérêt, lui, il a plutôt, je pense, intérêt à attendre. Parce que là, il a une cote qui est moins haute qu'elle l'aurait été il y a un an, où je pense que tous les constructeurs l'auraient signé. Aujourd'hui, Bagnaia, c'est plus compliqué. Sera-t-il prolongé par Ducati ? La question se pose, parce qu'on entend des rumeurs d'une arrivée de Pedro Acosta. Oui, c'est Ducati. Ça, aux côtés de Marc Marquez, qui... n'a pas re-signé, mais c'est vraiment dans les cartons. Et voilà, c'est en très bonne voie. De toute façon, Ducati serait très bête de ne pas re-signer Marc Marquez, et Marc Marquez serait très bête de ne pas paraffer un nouveau contrat avec Ducati non plus. Donc, c'est au rayon des évidences. Là, voilà, on se doute que là, il y aura des choses effectivement qui vont converger, mais ouais, Pedro Acosta pourrait être avec lui. Alors du coup, ça pousse Bagnaia dehors. Parce que c'est, vous allez voir, on va faire des allers-retours. Ouais, pour... ouais, on va faire voilà, prendre donc, des cases. Hein. Si Acosta arrive chez Ducati, où va Bagnaia? Bah, Bagnaia, on ne sait pas. Il y avait une option qui était qu'il reste chez Ducati dans une équipe satellite. Il a plutôt balayé ça en disant, moi je suis un pilote de top niveau, je serai dans une usine. Un peu comme ce qu'avait fait Roger Martin après son titre avec Pramac, en disant, moi si je ne vais pas chez Ducati, je vais aller dans une usine. Il avait rejoint Aprilia plutôt que de garder la meilleure moto dans une équipe satellite. Si je puis me permettre, si j'étais Francesco Bagnaia, au moment où Valentino Rossi va glisser la feuille avec le contrat VR46, j'y jetterais quand même un œil. Voilà, moi je suis assez d'accord avec ça. Ça me paraîtrait, parce que, pour qu'on recontextualise globalement, Pecco Bagnaia est un pur produit de l'école VR46, la structure de Valentino Rossi, donc on se doute qu'il y a des grandes chances qu'il aille chez eux si jamais il venait à perdre son guidon. Le problème, parce que VR46 va aussi prendre une part dans ce mercato, c'est qu'ils ont actuellement Franco Morbidelli, aussi pur produit de la VR46 et qui se retrouve là aussi parce qu'il a ses liens très forts avec Valentino Rossi. On a Fabio Di Giovantonio, qui lui n'est pas de la famille à la base, entre guillemets, mais qui fait des bonnes performances et qui mériterait de garder ce guidon. Et puis on a Luca Marini, parce que si... Demi-frère de Valentino Rossi. Voilà, littéralement demi-frère de Valentino Rossi. Lui, c'est littéralement la famille, si vous voulez. Ouais. Et Luca Marini qui commence à faire des belles perfs chez Honda, mais si Honda décide de garder par emploi de mire avec Fabio Quartararo potentiellement qui pourrait rejoindre, il faudrait peut-être que Marini aille ailleurs aussi. Donc ça va se bouger, mais si Acosta part chez Ducati, ça ouvre une place chez KTM. Oui, alors du coup Pecco Bagnaia, la meilleure option, ça serait peut-être KTM. Il y a une autre option qui existe, c'est Aprilia aussi. Aprilia, parce que effectivement, Jorge Martin, rien ne dit qu'il va rester chez eux, déjà qu'il voulait partir l'année dernière. Je le vois absolument pas rester. Et là, quand on écoute ce que disent les gens de chez Aprilia, ils sont déjà en train de voir ailleurs et même eux n'ont pas envie, parce que je trouve que les mots ont été quand même assez forts où le patron d'Aprilia n'a pas hésité à dire oui, non, mais nous, il nous faut un Jorge Martin à 100%. En rajoutant, on l'a toujours pas vu depuis, il n'était pas présent pour nous pour l'instant, enfin voilà. Il faut quand même se souvenir que Roger Martin, il est arrivé chez Aprilia avec une étiquette de champion du monde et qui s'est quand même pas très bien comporté avec l'équipe tout au long de la saison, c'est-à-dire qu'il s'est blessé, il a été blessé une grande partie de l'année, sauf qu'il a jamais pu montrer ses qualités et il a essayé de se barrer et de rompre son contrat. Il avait annoncé son départ. Il a dit qu'il partait de chez Aprilia. Sans avoir rien montré en cours d'année et en cassant son contrat. Ouais. Alors aujourd'hui, Aprilia, qui a finalement réussi à le faire rester un peu par la force, a pas envie de miser sur lui. Et puis Aprilia, surtout, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'en fin d'année, Marco Bezzecchi était le meilleur pilote de la grille. Et du coup, ben, ils l'ont dit clairement. Massimo Rivola l'a dit quand il a prolongé Marco Bezzecchi. Il a dit, nous, on veut miser sur Bezzecchi pour le futur. C'est notre leader. Le plan A est fait. Et Roger Martin, avec son ego, il sera pas plan B. Et pour moi, ça veut clairement dire, Martin, t'es mignon, tu pars. Et Martin, qui est d'ailleurs pressenti pour signer chez Yamaha. Reprenez hein, les chaises musicales. Tac, on a pris le bloc Quartaro, on l'a mis chez Honda, donc il faut que quelqu'un remplace chez Yamaha. Ça pourrait être effectivement Jorge Martin. Ce serait parti pour être Jorge Martin. Et moi, je vois bien Pecco Bagnaia rejoindre Marco Bezzecchi, qui est son grand copain de la VR46 Academy, chez Aprilia, pourquoi pas, ouais, chez un constructeur italien. Après, oui, il y a l'option KTM. KTM, on entend parler de Maverick Vinales aussi, qui est chez Tech 3 actuellement, l'équipe satellite, l'équipe française de Gunther Steiner, maintenant PDG. L'ancienne équipe d'Hervé Poncharal. Voilà, exactement. L'ancienne équipe d'Hervé Poncharal. Bon, bah, Maverick Vinales, il pourrait monter dans l'équipe officielle. Après, il faut aussi se dire, parmi tous ces pilotes, lesquels ne seront plus là? On peut penser à Alex Rins, qui est peut-être arrivé un peu en bout de course. On peut penser à Brad Binder, ou qui pourrait repartir chez Tech 3. En tout cas, de plus être dans une équipe officielle. Ouais. Alors, Binder, ce serait dur, je trouve, encore. Même s'il n'a pas été très bon l'année dernière. Mais l'année dernière n'est pas bonne, quand même. Oui, mais il était face à un Pedro Acosta, qui est quand même, je pense, fait d'un autre bois que beaucoup. Oui, mais il y a les équipes satellites. Je ne dis pas qu'il va quitter la grille. Oui, bien sûr. Mais bon, après, vous m'aurez posé la question à 8 mois, je vous aurais dit Raúl Fernández. Sauf que depuis, il a gagné un Grand Prix, Raúl Fernández. Raúl Fernández, il est assez bon en plus. Voilà, maintenant, oui, mais jusqu'à la mi-saison 2025... En gros, si tu prends les 3-4 Grands Prix, c'est bon, quoi. C'est ça. Moi, si on prend les 3-4 derniers Grands Prix, je garde tout le monde. Bon, après, voilà, effectivement, je suis un petit peu l'école des fans. Mais je vire Yamaha. On a quand même peu de pilotes vraiment qui font tâche sur cette grille. Ah bah oui, c'est ça. Ayogura, peut-être pas... Ayogura, l'an dernier, il démarre en hippodrome quand même. Il fait cinquième en Thaïlande, puis après, il fait plus rien de la saison. Mais c'est violent. C'est un peu violent, mais c'est vrai, il est pas très marquant. Oui, parce qu'effectivement, ils sont plusieurs clés de voûte. On pourrait imaginer que Fabio Quartararo soit justement le numéro 1, mais Bagnaia, lui aussi, peut être une clé de voûte dans la mesure où lui, son départ est quasi acté. En tout cas, il peut l'être aussi. Attention qu'il ne pêche pas par excès d'orgueil, hein, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Donc, y a plusieurs choses comme ça qui peuvent se faire et surtout se débloquer un petit peu en fonction de qui lâchera du lest en premier. C'est un petit peu là où je voulais en venir. Ça va être un jeu de domino, le premier qui tombe fera tomber les autres, parce qu'on n'a pas parlé non plus de tous les pilotes qui ne sont pas encore dans les équipes d'usine et qui prétendent à y être. On peut penser à Alex Marquez, qui est quand même vice-champion du monde, qui peut prétendre à une usine, qui pourrait aller chez KTM par exemple. Pourrait aller chez Ducati avec son frère, hein. Ouais, qui pourrait aller chez Ducati avec son frère on aussi. On n'est pas non plus à l'abri de ça. Hein. Non, non, on n'est pas à l'abri de ça. Si Ducati veut les meilleurs pilotes Ducati, ils s'appellent tous les deux Marquez pour l'instant. Pour le moment, oui. Mais pareil, on a Ferminal de Guerre aussi, chez Grésini, qui pour le moment est blessé, mais qui a fait une très très bonne première année. Il manque encore un peu, mais c'est vrai qu'il est pas loin. Ouais, c'est ça, il gagne quand même un grand prix en fin d'année et tout. Donc, au final, tu te dis que tu as 10 guidons d'usine et t'as peut-être une quinzaine de pilotes qui peut les mériter, voire plus, sur la grille. Donc, et puis t'en as en Moto2 qui vont commencer à avoir les dents longues aussi. Hein. Puis il y en a en Moto2 qui arrivent. Donc non, ça va être... Enfin, ça Barry Baltus, par exemple, notre pilote mais belge qui pourrait... Ça va être à suivre. Barry Baltus qui va vouloir jouer le titre cette année. Voilà, s'il arrive au relais d'un titre de champion du monde alors qu'il est encore très jeune et qu'il y a un nouveau règlement 2027, il peut commencer à attirer pas mal les regards des équipes sur lui. Donc ça va être très sympa à suivre encore une fois cette saison de MotoGP et surtout cette silly season qui risque de se décanter encore dans les semaines qui viennent avant le Grand Prix de Thaïlande. On va terminer comme toutes les semaines avec quelques résultats ce week-end. Et ce week-end, c'était du côté d'Abu Dhabi, la finale de l'Asian Le Mans Series, les deux dernières courses de la saison, 4h le samedi, 4h le dimanche. On salue CrowdStrike Racing by APR qui a remporté la course du samedi et qui le dimanche a remporté le titre tout simplement. La voiture numéro 4 pilotée par Louis de Letraz, Malte Jacobsen et George Kurtz remporte le titre en LMS, ce qui est déjà très bien hein, de gagner un championnat, mais surtout ça leur permet de remporter une invitation pour les 24 heures du Mans. On connaît maintenant eh bien, justement les 10 invitations remises par la CO pour les prochaines 24 heures du Mans. En GT3, c'est le Kessel Racing qui a remporté le titre et donc cette invitation. En LMP3, victoire de Celix Motorsport au niveau du championnat, mais le LMP3 ne procure pas d'invitation pour les 24 heures du Mans. Mais on salue la structure notamment de Nicolas Lapierre qui a remporté le titre et qui aurait pu quasiment gagner toutes les courses de la saison, même si ce dimanche à Abu Dhabi, ça s'est terminé un petit peu en autre boudin. Ils se sont fait percuter sur une relance par l'un de leurs adversaires alors qu'ils jouaient justement la victoire. On est aussi très content de vous dire que Michael Jensen et Memo Gidley vont bien après leur terrible sortie du début de course, puisqu'après une quarantaine de minutes dimanche, il y a eu un drapeau rouge après un très très très gros carton. Heureusement, ça a l'air d'aller en tout cas pour les deux pilotes. Memo Gidley, lui, était même à l'interview. Mais Michael Jensen est sorti lui-même de sa voiture et donc ça a l'air d'aller pour les deux. Et on en était rassuré parce que l'Oreca de chez Algarve Pro Racing avait terminé dans un sale état. Ah oui, elle était désintégrée. Ouais, puis c'est... l'impact lumineux au moment du crash contre le rail, c'est assez violent. En fait, l'avant de la voiture s'est un peu mis entre les deux rails, justement, comme on le rappelait avec Romain Grosjean, on en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu la même chose et ça avait vraiment arraché tout l'avant de la voiture. Mais heureusement, la sécurité moderne fait que les deux pilotes ont pu s'extraire eux-mêmes de leur voiture. Et puis je suis content de vous dire qu'on a quand même enfin eu le clash en NASCAR, hein, cette fameuse course hors championnat. On aurait dû vous en parler la semaine dernière, hein, puisque ça devait avoir lieu le premier dimanche de février. Mais il neige, Michael. Il neige, donc ça a été reporté au lundi, mais il neige toujours, Michael. Donc ça a été reporté au mercredi. Bon bah écoutez, Ryan Preece s'est imposé. C'est la première fois que Ryan Preece s'impose en NASCAR Cup Series, même si évidemment ça ne compte pas au championnat ici. Il s'est imposé sur une course de 80 km en 2h20. Voilà. Oh, c'est beau. C'est un vélo, c'est... non ? C'était bien. C'était très sympa cette affaire. Très noble idée de la part d'un NASCAR de faire une course de 200 tours et de dire que les tours sur drapeau jaune ne comptent pas. D'ailleurs, Pogacar a fait podium. Bien sûr, déjà un gros début de saison pour Tadej Pogacar. Mais non, voilà. Donc les tours sur drapeau jaune ne comptaient pas. Ce qui veut dire que quand il y avait un drapeau jaune, eh ben, il tournait. Mais il fallait qu'il continue ensuite. Ouais, et ensuite, il fallait repartir. Donc ils ont dû remettre le plein dans les voitures. Et il y a eu une averse de grêle pendant la course. Bon, bah écoutez, voilà, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Bienvenue aux États-Unis, finalement. Voilà, hein, visiblement, la Caroline du Nord ne voulait pas que cette course ait lieu. Bah, elle s'est quand même terminée. Et la NASCAR, ça commence pour de bon ce dimanche avec le Daytona 500, la course la plus prestigieuse de la saison. Ce qui veut dire que tous les lundis, maintenant, je vais pouvoir reparler de NASCAR. Et je sais que vous en êtes tous ravis. Surtout mes deux comparses qui sont ici à mes côtés. Voilà. Bon, après, il nous a déjà parlé de Frémette et de Frotte pendant tout le mois de janvier. La Frémette revient cette semaine. La Frémette termine sa saison ce week-end du côté du Qatar, enfin ce week-end, cette fin de semaine, dirons-nous. On termine le vendredi pour le Voilà, c'est donc ça. La saison se termine le vendredi, mais on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine. On vous parlera également donc, des essais hivernaux de Formule 1 qui commencent à Bahreïn. Et puis il y a pas mal de petites choses. Ride-Swell également ce week-end, la Formule E en Arabie Saoudite, les 12 heures de Bathurst, toujours l'une des courses les plus hallucinantes de la saison sur ce circuit de la montagne du Mont Panorama. Donc voilà, on a pas mal de petites choses à vous évoquer. On vous rappelle quand même que c'est notre anniversaire, hein, les 50 ans d'Auto Hebdo, c'est à retrouver à partir de 20h en version numérique et ce mercredi en kiosque. Merci Cyprien, merci Mathieu. Merci à toi. Merci Michael. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.